Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Cinq. Comment la politique vint à Raz. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. La version officielle a longtemps été très simple. Bob Dylan rencontre Siouz Rotolo et les engagements politiques de Siouz l'amènent à écrire, en quelques mois, l'explosion définitive des textes qui font de lui une légende. Il y a la version que porte Bob Dylan, mais après ses deux mariages, les 5 enfants avec Sarah, la fille qu'il aura avec sa deuxième épouse, Caroline Dennis, dans cette version, celle des chroniques, Siouz lui apprend l'art contemporain, mais certainement pas la politique. Au plus schématique, il dit « J'écrivais le genre de choses que les gens voulaient entendre. » Mais c'est après, et bien sûr tout aussi faux. La vérité est sans doute quelque part au milieu. À nous de prendre dans la main chaque pièce du puzzle. Pour me comprendre, il faut aimer les puzzles, dit Bob Dylan, et en mesurer les poids respectifs. D'abord, Dylan sans Siouz. John Hammond, son producteur, lui a procuré un peu d'argent, des disques Columbia. Il passe régulièrement dans les petits clubs. Alors, il s'installe dans ses meubles. Un appartement à $60 par mois, au 161 ouest de la 4e rue. Un premier étage, au-dessus d'une boutique. Au-dessus de chez Bruno, marchand de spaghettis. Plutôt un placard qu'un appartement, précise-t-il. Il fabrique lui-même les étagères. Et on en a 2 photos. L'une, allongée sur le lit avec Siouz, jouant de la guitare. L'autre, assis sur un digne mais bien usagé fauteuil de cuir qui doit constituer le grand luxe de l'ensemble. Comme le chauffage était coupé la nuit, on laissait les brûleurs de la cuisinière au maximum jusqu'au matin, il dit. Il y a une télé d'occasion et un électrophone de chez Woolworths. Siouz lui apprend le dessin. Et c'est par elle qu'on apprend qu'un des principaux objets, là, dans la chambre, c'est la machine à écrire. Elle ne le quittera plus. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. Le disque enregistré en novembre ne sera mis en vente qu'en mars. Délai normal pour le commerce. Et sans doute rageant, ces 4 mois qui font 120 jours pour celui qui attend. Entre-temps, il y a Siouz. Les Rotolo sont d'immigration italienne, comme le nom l'indique. Siouz a une sœur aînée, Carla, qui travaille avec Alan Lomax à la Bibliothèque du Congrès sur l'archivage des musiques collectées, le sanctuaire original du folk. Chez Carla, Bobby est souvent, lisant les vieilles revues, écoutant les disques d'archives, inventoriant encore et encore ces drôles de chansons avec des accords mineurs qui le fascinent. Siouz a 17 ans et travaille au Congrès pour l'égalité des races, le corps. Forcément des idées de gauche bien ancrées et encore dérangeantes pour l'Amérique dès que sortie de Greenwich Village. Carina, Carina, get where you've been so long. Siouz et Dylan, ces 2 gamins qui s'aiment, et voilà. Cela semble bref et intense. C'est que tout est bref et intense quand on a 21 ans, lui, et 18 ans, elle. Elle emménage au 161, ils sont partout et tout le temps ensemble. Raz, comme elle l'appelle, d'après les initiales de Robert Zimmerman avec Siouz, ou Siouz avec Raz. Sur la couverture du 2e disque, A Freewheeling Bob Dylan, ils sont bras dessus, bras dessous, pour lancer la légende. Dans le studio d'enregistrement aménagé au sixième étage de l'immeuble Columbia, où Dylan accumule, chaque deux mois, les chansons du disque suivant, Suze est toujours présente. Pour jouer du bottleneck sur tel vieux blues qu'il enregistre, elle prête même son tube de rouge à lèvres. Laughed on me, things strange, fruit hanging. Et c'est grâce à Suze et Carla que les premières chansons qu'écrit Bob Dylan viennent des causes évoquées au Congrès de l'égalité des races. La mort d'Emmett Till. Cela remonte à 1955. C'est à Monet, dans le Mississippi, un garçon noir qui ose sortir avec une femme blanche, une jeune veuve. Les deux frères de la fille se saisissent d'Emmett Till, le tuent, puis le jette dans une rivière au vieux nom indien, la Tallahatchie River. Rien finalement qui sorte du cadre de tant et tant de vieilles ballades américaines. Seulement, c'est une ballade sur une histoire de maintenant, une histoire racontée dans les journaux d'aujourd'hui, une chanson signée Bob Dylan. Mais est-ce que les chansons sont à soi, dans ces conditions ? Ce qu'a compris Bob Dylan, c'est que pour écrire, non pas de la poésie, ce qu'il fait aussi, mais une chanson, il faut une forme extrêmement précise, un germe qui vient de ce qu'on entend. Non pas une chanson qui existe et qu'on aime, ou bien pas seulement, mais comme le pays imaginaire qu'elle vous suggère, par telle variation des accords, telle modulation de la voix. Alors, on peut écrire toute la petite histoire sur ce fragment d'imaginaire. Itzy Young, du Folklore Center, dira que Dylan chantait des chansons de maintenant comme si c'était des chansons de 200 ans, et particulièrement celle qui va être le franchissement, qui va lui échapper pour être la première de ses chansons, chantée par d'autres. Let me die in my footsteps. Dylan dit que c'est un souvenir qui remonte à 2 ans, quelque part à Ebbing ou Minneapolis, en pleine guerre froide, la construction d'un abri anti-atomique. Il s'en est fait beaucoup à l'époque. Même à nous, en France, ces années-là, on distribuait des prospectus avec les conseils d'aménagement ou de survie. Nous, les gosses, impressionnés, on les connaissait par cœur. Que je meure où j'ai marché, je n'irai pas m'enterrer tout seul, juste parce qu'on m'a dit que peut-être la mort approchait. Et puis ce double vers. Il y a eu la rumeur de la guerre, et la guerre est venue. Le sens de la vie s'est perdu, soufflé au vent. Le vent qui sera pour lui un motif récurrent. Le bruit de la guerre. En Amérique, fin 1962, on est contre. C'est un appel et une communauté. Mais l'image du vent qui en découle, c'est le poète. Une image qui vient comme ça, on peut s'en saisir, la reprendre et la suivre. Ce que va découvrir Bob Dylan, c'est comment l'écriture naît de l'écriture. The wind, le vent, les couplets suivants, la volonté que les temps changent. Change things around. Si j'avais des rubis, des richesses, des couronnes, j'achèterais le monde entier et je changerais tout ça. On mettrait les fusils et les tanks au fond de la mer, sans les erreurs de l'histoire ancienne. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. If I had rubies and riches and crowns, I'd buy the whole world and I'd change things around. I'd throw all the guns and the tanks in the sea, for they all are mistakes of a past history. Let me die. Il appelle ça les chansons qui montrent du doigt. The finger pointing songs. C'est tout ce qu'il concédera Bob Dylan, qui a toujours refusé la mention protest song, chant engagé, chant de protestation. Dans toutes les sortes de chansons qu'il connaît et dénombre, voilà, il y a celle qui montre du doigt, et lui, pendant les 2 ans à venir, va trouver exactement ce qu'il y a à montrer du doigt. Sauf que justement, quand il montre du doigt, il reste Bob Dylan, celui qui chante décalé, adopte cette modulation nasale, qui énerve autant, mais qui est précisément son principe de distanciation. Alors on ne parle pas des abris anti-atomiques qui sont l'écho de la guerre froide. On parle d'un rêve de canyon. On reste l'homme qui marche et qui refuse sa tombe. Au lieu précis de ce qu'il revendique, ce que montre la parole, c'est qu'elle surgit d'ailleurs et ne coïncide pas avec ce qu'elle désigne. Ça aurait été beaucoup plus simple de faire une chanson engagée contre les abris anti-atomiques. Mais justement, ce n'est pas ce qu'il fait. And there ain't nothing wrong with this song. I was feeling sad and kind of blue. I didn't know what I was gonna do. The communists was coming around. They was in the air, they was on the ground, they was all over. So I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, went back home to the yard. Started looking on the sidewalk, under the hedges. Pour lui, c'est une autre division. C'est le blues parlé. Les parlants de, talking of. Dans les concerts, on a des moments comme ça. Et tous les vieux bluesmen l'ont fait. On improvise une parlerie, et là, on peut se moquer. Là, les images peuvent être précises. Un de ceux qu'il pratique s'appelle Talking of John Birch Society. Un club qui existe toujours. Maintenant, on est tous d'accord avec les idées de Hitler, même s'il a tué 6 millions de juifs, ou bien... Bon, j'ai regardé tous les livres de ma bibliothèque, 90% étaient bons à mettre au feu. La première fois qu'on proposera à Bob Dylan de passer à la télévision, au Ed Sullivan Show, c'est cette chanson-là, contre la John Birch Society, qu'il voudra jouer. Évidemment, on ne le laisse pas faire. On lui demande de changer, ou bien pas de télé. Alors il s'en va. Les mauvaises langues disent qu'il a fait bien plus pour sa réputation en refusant le Ed Sullivan Show qu'en choisissant d'y chanter autre chose. Mais non. Dylan suit un chemin et il n'y a pas à se détourner. Sioux, de toute façon, est d'accord. I once loved a girl. Her skin, it was bronze. Sioux, une fois j'ai aimé une fille, sa peau c'était du bronze, tant d'innocence et gentille. Il n'y aura jamais pour Bob Dylan une seule catégorie de chansons ou une catégorie de chansons qui prime sur les autres. Le chanteur capte le temps qui passe. Celui qui chante, par rapport au poète, est immergé dans le monde qu'il capte et auquel il renvoie la fragilité de ce qu'il capte. J'écris partout où je suis. Des fois, c'est toute la journée assis dans un coin, dans un café. Et j'écris comme ça me vient dans la tête. Même n'importe quoi. Pendant des heures, je regarde les gens, je me raconte des histoires sur les gens, ou bien les trucs qu'ils écoutent, et si je peux leur faire cette chanson. Ou encore, d'autres fois, je suis 15 jours sans rien écrire. Même ces trucs que je chante, je peux rester 15 jours sans y penser. J'écris un tas de trucs, en fait, je peux faire 5 chansons juste dans une nuit, comme hier soir, mais je balance tout à la corbeille. Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. On a soigneusement gardé par quelques amis, même John Baez, de ses essais compulsifs de Dylan. Prose, ou poème, ou chanson. Ses premières années, écrites sans cesser, et puis abandonnées, ou jetées. Comme si avant d'écrire, il y avait à construire pour soi-même une écoute. Ce qu'il faut pour que le mystère ou le miracle soit. Dans le tour de chant de Bob Dylan, maintenant, les chansons qu'il écrit lui-même sont le centre. Par Carla Rotolo et Alan Lomax, Bob Dylan se rapproche de Pete Seeger, qui lance avec Folkways Records une revue, Broadside. Maintenant, le folk a un bras armé. Broadside accueille des ethnologues, ne peut s'ouvrir aux contemporains s'il pose le même genre de chansons. C'est Broadside qui va accueillir la suite des chansons qui montrent du doigt. Et c'est par Broadside, en retour, que Bob Dylan n'est pas un parmi tous ceux qui promènent à New York une guitare, mais entre dans le clan bien plus rare de ceux qui proposent des paroles pour maintenant. C'est la crise des missiles de Cuba. Si Moscou installe à Cuba ses missiles nucléaires, New York est dans leur rayon de frappe. Peut-être qu'en novembre 62, on n'a jamais été aussi au bord d'un affrontement nucléaire. L'année précédente, Kennedy avait fait débarquer 1500 mercenaires entraînés par ses soins au Guatemala, à la baie des Cochons près de Guantanamo, pour tenter de se débarrasser de Fidel Castro. L'affaire rate. Khrouchtchev envoie 50 000 soldats soviétiques à Cuba pour la protéger. Le 14 octobre 1962, un avion espion, le fameux U-2, détecte la présence des missiles. Kennedy s'exclame « Mais c'est comme si on installait des missiles en Turquie. C'est chef d'état-major. C'est ce que nous avons fait, monsieur le président. » On est à 15 ans de Yalta, dans cette illusion des puissants qu'on se partage le monde à la fourchette et au couteau. Moscou et Washington décideront de retirer les missiles de Cuba et d'Istanbul. Une rude pluie sur la terre aurait pu pleuvoir. I wrote it at the time of the Cuban crisis. J'ai écrit ça en pleine crise de Cuba. J'étais Bleecker Street à New York. On est juste restés ensemble cette nuit-là. Les gens s'asseyaient, se demandaient si ce serait la fin et moi pareil. Est-ce qu'il y aurait un lendemain, 1h du matin? C'est un chant de désespoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Les mots sont venus vite, très vite. C'était comme un chant de terreur. Ligne après ligne, essayer d'attraper le sentiment du néant. Ce n'est pas la pluie atomique, ce n'est pas les retombées nucléaires. Je voulais juste bosser sur cette sensation de faim, cette nuit-là. C'est Dylan qui le dit. Seulement, il est attesté qu'il a chanté « Hard Rain Gonna Fall » en public 3 semaines avant cette fameuse nuit dont il parle. L'histoire qu'on réinvente pour soi-même, ne doit-elle pas être tenue pour vraie, si elle est plus belle? C'est que la catégorie des chants de désespoir, Dylan l'a travaillée et inventoriée dans les bibliothèques et les vieux disques d'Itzy Young ou Alan Lomax. Il reprend une vieille ballade, une chanson pour enfants, Lord Randall, et son dialogue. Une mère demande à son fils ce qu'il a vu et qu'elle ne peut pas voir. Il en garde cette mélodie récurrente comme un rêve, lui dont jamais les parents ni les grands-parents n'auraient pu lui chanter Lord Randall. Le reste, c'est le poème où la maison dans la vallée devient la prison sale et humide, où qui est le bourreau et le secret le mieux caché, où le désir est enlaidi, où les âmes sont mortes, où noir la seule couleur, où aucun pour seul nombre. Première fois que Bob Dylan chante « Hard Rain Gonna Fall » au Guards Club, on est encore en pleine crise cubaine. Il s'est arrêté de chanter, et personne pour rien dire. Le poids de ce truc, la pertinence. Chaque ligne qui construit et qui explose, dit un témoin. Et pour Bob Dylan, une autre barrière franchie. Comme si tout le bruit et le remuement, le danger de la crise cubaine, n'avait servi qu'à porter un poète, un chanteur, de l'autre côté d'une ligne invisible. Qu'une chanson peut peser autant que tout cela, si elle est juste. Qu'elle n'est pas seulement l'histoire ancienne, comme la mort d'Emmett-Till. D'où reviens-tu, mon fils aux yeux bleus? D'où reviens-tu, mon jeune et si aimé? Je trébuchais sur les pentes de 12 montagnes brumeuses. J'ai marché et rampé sur 6 chemins tordus. J'ai pénétré au milieu de 7 forêts tristes. J'ai été jusqu'au bord de 12 océans morts. J'ai marché 1000 kilomètres dans la bouche d'un cimetière. Et c'est une rude, très rude, une si rude pluie qui sur nous va pleuvoir. Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guay,